67. C'était le bon temps. Le saumon valait 22 sous le kilo. Ça, c'est un signe infaillible de bonheur. Et moi, la mère Pingret, ben, je sais de quoi que je cause, vu que je suis à la fois marchande de poissons et voyante. Deux professions qui exigent du flair. Car le destin, c'est comme le hareng. Quand c'est avancé, ça se sent tout de suite. C'est même rapport à ma double vue que je peux vous raconter l'histoire de Ciboulette. Elle commence un matin du 1er mai, au Halles. Tenez, visez plutôt, là, ces jeunes blancs-becs en uniforme. Ils entrent au chien qui fume, le bouge à la mode. Ils vont vous chanter le cœur d'entrée pendant que moi, je vais arranger mes poissons. Les frais par devant, et puis derrière, les vieux, ceux qu'il faut vendre en vitesse avant qu'ils se cavalent tout seuls.